Anne Baldassari, merci beaucoup Bernard Arnault pour cette demi-heure passée avec nous à RTL. Vous êtes le bienvenu et donc, si j'ai bien compris, dans le cycle que nous avons instauré, on se revoit au moins une fois l'an prochain. J'embrasse Monique Younes et après la pub, il sera temps de retrouver Julien Courbet. Merci. RTL 12. Une Yaris hybride. T'as encore été augmenté ? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois ? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris hybride France en location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1990 euros. Bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans. Sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Carrefour. Waouh, Claire, comment tu fais pour avoir des cils pareils? C'est sublime! Ça, c'est grâce à mon nouveau mascara. En ce moment, Carrefour fait place à la beauté. Il y a des promos sur des centaines de produits de marque. Par exemple, pour un mascara Rimmel acheté, le deuxième est gratuit. Ah bah donc, le deuxième mascara, il est pour moi! Jusqu'au 24 octobre, Carrefour fait place à la beauté avec des promotions sur des centaines de produits de marque. Par exemple, pour un mascara Rimmel acheté, le deuxième est gratuit dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Super Curler ou Scandalize, voire produits concernés dans votre catalogue disponible sur carrefour.fr. Carrefour. Sphinx, c'est le nouveau livre de Christian Jacques. Un thriller contemporain explosif. Sphinx de Christian Jacques. Un livre XO. Aujourd'hui, en librairie. Je suis allée chez Imo, là, là, là, là, là. Super, et alors? J'ai craqué sur des fauteuils de relaxation et des sofas, là, là, là, là. Mais pourquoi tu dis tout le temps, oh là, là, là, là? Parce que pendant les journées, oh là là, chez Imo, là, j'ai pu bénéficier de 20% de remise immédiate sur tous les produits Imo, là, là, là, là, là. 20%? Oh là, là, là, là. Imo, là, la qualité made in Germany. Rendez-vous sur imola.fr. Salut, moi c'est Pat. Pat in, oui je sais. Bon, j'ai rien contre le patinage, noté. En revanche, une voiture qui patine, y a rien d'artistique. Je dis ça rapport à mes deux pneus lisses. Solution, prendre rendez-vous sur Citroën.fr. Pendant les portes ouvertes du 13 au 15 octobre, le deuxième pneu est à moitié prix et avec Michelin, j'ai même une carte carburant. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre pneus réservée aux particuliers pause pendant les portes ouvertes. Offre carburant jusqu'à 50 euros, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Eh oui, ça continue. Le faux filet de bœuf 3 étoiles à griller Jean Rosé Origine France est à seulement 9,50€ le kilo. Oui, 9,50€ le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à demain. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, faux filet 3 étoiles à griller à partir de 1,5 kg environ. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama. Alors, comment améliorer l'assurance de votre entreprise ? Nous, les pros, il faut qu'on soit hyper réactifs. Quand on engage un employé, il faudrait qu'il puisse travailler vite. Et donc qu'il soit assuré au plus vite. Oui, je comprends tout à fait. Justement, chez Groupama, votre conseiller peut assurer votre nouveau salarié immédiatement, sans avoir besoin d'appeler le siège. Comme ça, on gagne du temps. Être mutualiste, c'est trouver ensemble des solutions à vos préoccupations. Groupama Pro, la vraie vie s'assure ici. Plus d'informations sur groupamapro.fr. Avant de nous séparer, Isabelle Morini-Bosque m'a fait passer par pneumatique les résultats d'audience du débat d'hier soir. 5 600 000 téléspectateurs sur TF1, 26% de part de marché. C'est plutôt décevant, disons-le, mais c'est mieux que le premier débat de la primaire à gauche sur France 2. C'était en 2011, qui n'avait réuni que 4 700 000 téléspectateurs. Voilà, on a tout dit et maintenant on va effacer tout simplement. Vous auriez mieux fait de ne pas parler de ça, je vous le dis tout de suite. Ah bon, je suis très en colère. Écoutez, pourquoi? Vous n'avez pas regardé alors hier soir, c'est pas possible. Mais évidemment que j'ai regardé. Elle me fait ça à moi, Madame Martichoux, un ami de plus de 10 ans. C'est moi, normalement, qui présente le maillon faible, monsieur. C'est pas elle de le faire. Bah, je suis vraiment désolé. Vous avez vu, c'était le maillon faible. Ils étaient en rond, comme ça. Vous savez ce que vous allez faire, maintenant, pour vous venger. La primaire de ça peut vous arriver. Alors, éditeur, je vous demande d'inscrire sur votre ardoise le nom des deux candidats qui doivent aller au deuxième tour et de désigner les 5 maillons faibles. Voilà, mais quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était le maillon faible, je vous assure. Ça vous a mis en furie. Ah oui, non, ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a surtout, je vais être honnête avec vous, bien endormi. Et moi qui suis insomniaque, pour la première fois, j'ai trouvé le sommeil à 22h30. Vous savez ce que vous allez faire? La primaire de ça peut vous arriver. Ah, ça serait pas mal. Bah, écoutez, là, j'en ai combien? Regardez, il y a Maître Fellono qui a un programme. Alors son programme, inutile de vous le dire, il est formidable. Votez pour moi. Maître de Caumont, des carburateurs et des courroies de transmission pour tout le monde. Formidable. Et puis alors les deux négociateurs, je ne sais pas ce qu'ils vont proposer. Voilà, tout à 50%. Ça vous va comme programme? Du moment que vous nous mettez Pouchol sur la moto, volontiers. Oh. On va vous le mettre. Ouais. Bonne journée, bon week-end. Allez, bonne lundi journée. Matin, 9h31, mesdames et messieurs, c'est le vendredi. Le vendredi, il y a plusieurs choses. Il y a les cas inédits qui vont arriver, j'en ai un à vous proposer. D'ailleurs, voilà ce qu'Yvette nous a dit sur le répondeur du 3210 RTL en direct. J'ai aidé mon fils à acheter une voiture. Un mois après, elle tombe en panne. Un auto-entrepreneur avait mal monté la courroie de distribution avant qu'un particulier ne vende ce véhicule à mon fils. Il y aura d'autres cas, puis on va revenir sur tous les feuilletons d'hier avec des rebondissements, vous verrez, sur certains cas. Vous avez entendu parler de voiture et vous avez tout de suite compris qu'aujourd'hui, le druide est là. Le maître absolu de la voiture du PV du radar en France, maître De Caumont. Bonjour à toutes et à tous. La Divina et la maître Félonneau, bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Double négociation au standard Hervé Pouchol, Bernard Sabat. Bonjour à tous. La fête sera belle, vous écoutez RTL, nous sommes ravis d'être avec vous. Bonjour Yvette. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous merci. Nous appelez d'où, Yvette? De Langast, c'est une petite commune à côté de Loudéac. Vous avez regardé les primaires hier, à Langast? Non, du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé, vous? J'ai pas du tout regardé la télé, là, je suis plein dans mes cours. Ah, vous donniez des cours, vous prépariez vos cours, peut-être? Oui, enfin, je donne pas des cours, j'en prends. Je viens de rentrer en BTS, SP3S sur Rennes. D'accord, Yvette. Votre fils, Yann, achète un véhicule 3 500 € et le 22 août 2016, il a acheté ça à un particulier. La voiture va tomber en panne le 17 septembre, elle ne roule plus. Le garagiste vous indique que cette panne est due à un mauvais montage de la courroie de distribution. La distribution, justement, avait été changée le 20 juillet 2016, donc presque un mois, jour pour jour, avant la vente par un auto-entrepreneur. Votre fils est d'abord retourné contre le particulier qui lui a vendu ce véhicule, mais au départ, il était comme votre fils un peu désarmé. Lui et votre fils ont d'ailleurs fait des démarches ensemble auprès de cet auto-entrepreneur pour qu'il assume ses responsabilités. Et malgré des relances, des courriers recommandés, l'auto-entrepreneur veut faire jouer les assurances entre elles, mais votre fils n'a pas de protection juridique, du coup il ne veut rien faire. Ai-je bien résumé, Yvette ? Oui, c'est tout à fait ça. Eh bien, merci Yvette. Maintenant, le fait de bien résumer n'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est que Maître De Caumont ait compris la situation. Et là, c'est une autre paire de manches. Donc, Maître De Caumont, dites-nous si vous avez compris et vers qui faut-il se retourner, car nous avons maintenant des téléphones prêts à être utilisés. Alors, malgré vos explications, Julien, j'ai compris. Et je peux vous confirmer... Vous avez vu comme il me l'a mis discrètement, là, un petit coup derrière la nuque. C'est Brice de Nice 3, voilà, cassé. Alors, dites-nous. Donc, je vois que la position de l'auto-entrepreneur, comme souvent, elle est complètement hors sujet. C'est pas une question d'assurance, c'est une question de responsabilité de l'auto-entrepreneur. Après ça, il fait jouer son assurance. Oui, mais c'est le numéro 1, l'auto-entrepreneur. On est bien d'accord, c'est le numéro 1 qui vend un numéro 2, qui vend un numéro 3... Non, le numéro 1, il fait des travaux. Vous voyez, comme quoi, j'ai mieux compris vos explications que vous ne les avez vous-même compris. Le numéro 1 fait des travaux. Ils vont au numéro 2, qui vont au numéro 3. Non, si je puis me permettre, Julien, mais c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que vous ayez le sentiment d'avoir compris. Et les auditeurs ont compris, et moi aussi, c'est merveilleux. Alors, expliquez-moi. Donc... C'est le précédent vendeur qui a fait faire des travaux sur sa voiture, notamment refaire la distribution, ce qui est prudent avant de la vendre. Et il a effectivement confié ses travaux à un garagiste, en l'occurrence à un auto-entrepreneur. Si vous jouez sur des détails, j'ai bien compris. C'est l'auto-entrepreneur qui a mal posé la courroie. Exactement. Et donc, du coup, le vendeur qui a vendu au fils d'Yvette dit, moi, j'y suis pour rien, je vous ai vendu une voiture qui sortait de chez le garagiste. Et comme vous l'avez très bien dit vous-même, en comprenant profondément le sens de ce que vous disiez, comme d'habitude, le vendeur et l'acheteur sont en phase et sont allés ensemble effectuer des démarches. D'accord. Parce que le vendeur est de très bonne foi, il dit, écoutez-moi, je suis pas responsable du fait que le montage de la courroie était mal fait. Retournons-nous ensemble contre cet auto-entrepreneur, contre ce garagiste. Et le garagiste, apparemment, il fait un peu l'anguille, là, maintenant. Eh bien, nous allons l'appeler tout de suite, puisqu'il fait l'anguille et que nous sommes vendredi, jour du poisson. Exactement. Allons-y, maintenant, si vous le voulez bien. Hervé, appelez l'auto-entrepreneur qui a donc changé la courroie. En plus, en tant qu'auto-entrepreneur, peut-être a-t-il une assurance lui-même, professionnelle, qui va le l'espérer. Ouais. Elle est obligatoire, déjà. On va voir. Oui, elle est obligatoire, vous avez raison. Ouais. Alors, j'espère qu'il va nous répondre. Nous avons un fixe, nous avons un portable. Là, nous sommes sur le fixe, je suppose. Nous sommes sur le fixe. On compose le portable ? Attendons, laissons quand même le temps. Une ou deux sonneries, voyons. Oui, bonjour. D'accord. Et nous allons sur le portable maintenant. Deuxième tentative pour avoir ce monsieur garagé. Il a un garage où il fait ça chez lui en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui est tout à fait légal d'ailleurs. C'était une question en fait, Yvette. Normalement, il fait ça chez lui. Il fait ça chez lui, d'accord. Mais je suis pas sûre. Et il y a aussi un... Bonjour, vous êtes bien au garage. Bon, alors écoutez, il y a quelques minutes, ça a décroché, mais ça veut dire qu'il a peut-être pris un appel téléphonique. Donc ne vous inquiétez pas, Yvette, vous allez être le fil rouge. Des fois, on est un peu choukoumouna. Voilà, des fois, on a les gens du premier coup, parce qu'on vérifie toujours, on fait toujours en sorte que le premier cas, il y ait forcément quelqu'un qui répond. Mais entre le moment où on fait le test et le moment où le direct arrive, il peut se passer énormément de choses. Ce monsieur a pu, en quelques minutes, décider de changer de pays, peut-être même de sexe, vivre maintenant au Brésil ou être serveur dans ce restaurant brésilien, le Pau Brasil, où vous avez de belles serveuses qui viennent. Bref, là, je me fais mon délire, mais en tout cas, il ne répond pas. Donc, on va appeler non-stop, et dès que vous entendrez, c'est l'alerte. Ça veut dire que quelqu'un répond, on bascule immédiatement sur l'antenne. Nous allons, si vous le voulez bien, donc en parallèle, basculer sur un cas numéro 2, et c'est le cas de Eric. Voilà ce qu'Eric nous dira dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Il y a un an, j'ai acheté un véhicule pour mon fils et il est toujours en panne devant chez moi. Le professionnel à qui je l'ai acheté ne fait rien, même s'il me promet beaucoup. Et là, on perd patience. Je sens que là aussi, je ne vais rien comprendre. Vous pouvez me remettre un petit peu le début du message ? Il y a un an, j'ai acheté un véhicule pour mon fils et il est toujours en panne devant chez moi. Alors, est-ce que c'est le fils qui est toujours en panne devant chez lui ou est-ce que c'est le véhicule ? Vous voyez, la question est judicieuse, Julien, parce que effectivement, d'un point de vue grammatical, c'est son fils qui est en panne. Ça devrait être le fils qui est en panne. On est d'accord, mais je pense qu'il n'est pas depuis un an devant chez lui. Oui, il l'aurait laissé rentrer quand même. C'est vrai que, vous voyez, c'est à ce genre de détails qu'on voit que vous êtes le meilleur avocat spécialisé dans l'automobile. En tout cas, je suis mieux réveillé que d'habitude. Tout à fait. Hein 32-10, mais il faut dire que ce matin, vous êtes arrivé très tôt pour préparer les dossiers, puisque dès 9h27, vous franchissiez la porte du studio. Nous avons au 32-10 la possibilité de vous faire plaisir en vous parlant, déjà, si vous avez envie de parler, mais surtout de régler vos problèmes. Donc, 32-10 en direct, vous y allez, ou bien Facebook. Et une alerte, vous voyez, j'en étais sûr. C'est sur le cas numéro 1, on n'en a fait qu'un. Allô ? Oui, génial. Un instant, s'il vous plaît. Oui, bonjour. C'est pour le cas d'Yvette, nous sommes chez MS Auto. Merci, Sarah. Bonjour. Ah, bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, j'espère que je ne vous dérange pas. Je suis en train d'essayer de comprendre l'histoire de cette voiture qui a été vendue au fils d'Yvette Aoustin. Comment s'appelle votre fils Yvette ? Yann Le Guénec. Yann Le Guénec, vous savez qu'il y a un problème avec une courroie qui aurait été mal montée, une courroie de distribution. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est ça. Vous voyez de qui... Est-ce que vous pouvez, monsieur, excusez-moi de vous demander ça, je suis déjà très heureux de vous parler, enlevez le haut-parleur parce que je vous entends très mal. Allô ? Non, mais là, c'est juste le haut-parleur, c'est pas raccroché. Monsieur... Alors ça, c'est mal. C'est le haut-parleur, juste. C'est pas le bon bouton, merde ! Bon, alors, voilà, maintenant, on se retrouve non, avec plus personne. Non, mais en fait, ce matin, vous ne comprenez rien. Il faut pas... Ah bah là, c'est lui qui a pas compris, visiblement. Donc, on va essayer de rappeler, s'il vous plaît, Sarah, MS. MS, M comme Monique, S comme Sophie, MS Auto. Et c'est monsieur Marc Solbiac que nous essayons d'avoir. Alors, je suppose que c'est un raccrochage intempestif qu'il n'a pas fait exprès. Lui qui est au verger... afin qu'il n'y ait pas de confusion, au verger 53 940 à Saint-Berthevin. Voilà, monsieur Solbeck, il n'y a rien de grave, on veut juste discuter. On a Yvette qui nous parle d'un problème pour son fils. Donnez-nous votre version des faits et voyons comment tous ensemble nous pouvons régler ce problème. Oui, Hervé ? Bon, sur son portable, il s'est mis en messagerie. Oui, donc, d'accord. Ben, on réessaie, on va lui faire, on va lancer s'il faut un MS au toton. C'est pas facile à dire, ça. MS au toton avec monsieur Marc Solbiac. Ah, voilà. Encore une fois, ne soyons pas bêtes. Qu'est-ce que c'est ce petit bruit que j'entends? Ça sonne chez qui? On ne sait pas. Ça, c'est une. Ah, non, c'est le pacemaker, me dit-on, de Maître de Comont qui vient de se déclencher. Allez, on va se retrouver dans une seconde pour le cas numéro 2. Restez avec nous, en tout cas. La semaine va se terminer, je l'espère très bien. Et nous allons revenir sur cette histoire incroyable de voiture volée qui n'est pas remboursée car la GMF nous a écrit et nous a donné des informations de la plus haute importance. Wow. Bon week-end sur RTL. Bonjour, c'est Eric Jean-Jean. T'es où ? Tu fais quoi ? T'arrives quand ? Le smartphone au volant, c'est mortel. Surtout que consulter ou envoyer un message nécessite de quitter la route des yeux 5 secondes. Si vous êtes accro à votre portable, passez en mode conduite. La nouvelle appli de la sécurité routière. L'appli mode conduite répond pour vous lorsque vous conduisez et envoie un message de prévention aux personnes qui essayent de vous joindre. À l'occasion du mondial de l'auto, retrouvez la sécurité routière sur le stand RTL. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Tout doit disparaître chez Conforama. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour profiter jusqu'à moins 50% sur une sélection de meubles, déco et électroménagers. Par exemple, la banquette BZ Céline est à 199,50€ seulement. Et oui, c'est incroyable! Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Yvonne vend appartement de pièces, travaux à prévoir, belle exposition. Elle est avec son chien, elle le promène. Michel cherche appartement de pièces avec travaux, belle exposition. Il est avec une jolie fille, il fait le tigre. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Du 26 septembre au 15 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la laine de verre épaisseur 200 mm, lambda 40 pour isolation des combles, est à 3,75€ le mètre carré. 3,75€ seulement. Alors, profitez-en. Tout Faire Matériaux. Gagnez en savoir-faire. 3,75€ le mètre carré, soit 20,25€ le rouleau. Cette année, replongez dans l'univers magique d'Harry Potter avec de tout nouveaux coffrets Blu-ray et DVD. Et en exclusivité mondiale, une édition prestige limitée et numérotée avec les 8 films, les 7 livres, la baguette de sureau, plus de 45 heures de bonus et bien d'autres surprises. À retrouver à la Fnac et sur Fnac.com avec RTL. Si après 3 heures d'embouteillage, dans votre tête ça fait... C'est que vous conduisez le nouveau Citroën C4 Picasso à partir de 235€ par mois sans condition avec le pack Smile & Go. Entretien garanti et assistance inclus. Et pendant le mondial de l'automobile, profitez de reprises exceptionnelles sur toute la gamme Citroën. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km. Après un premier loyer de 3 300€, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur carstore.citroën.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Nous avons demandé à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire de médecine esthétique français, comment lutter contre les rides. À l'origine, notre spécialité chez Filorga, ce sont les injections anti-âge en cabinet médical. Aujourd'hui, nous mettons cette efficacité au service de toutes les femmes, grâce à nos crèmes anti-rides révolutionnaires. Et ça marche ? Eh bien, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec notre crème Time Filler, les rides sont divisées par deux en deux mois. Time Filler des laboratoires Filorga est devenu en juin le numéro 1 de l'anti-rides en pharmacie et chez Marionneau. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le cas numéro 2 va démarrer, nous sommes en alerte. Nous attendons l'alerte en tout cas pour notre ami auto-entrepreneur. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Marc Solbiac, nous ne voulons que son bien. Et justement que ça ne se termine pas devant un tribunal. Le temps que tout ceci se décante et que le cas numéro 2 arrive, voici la nouveauté que vous attendiez tous, et ce depuis longtemps, le retour d'Alain Souchon et Laurent Voulzy. Les fleurs du bal, il roule. CD DVD live de Souchon-Voulzy, c'est le concert. Et bien ce titre, cet album sortira le 18 novembre. Et son cœur, et sans raison, vers 5 heures, il quitte la maison. Peut-être l'amour, peut-être la vie va tomber du jour, ou simplement l'ennui. Partir dans la nuit, partir comme ça, cette envie Fleurs du bal, Souchon, Voulzy, nouvel album qu'RTL va soutenir bien sûr. 9h47, le cas numéro 1 est toujours en attente d'une réponse de notre ami auto-entrepreneur, monsieur Marc Solbiac. Pour l'instant, il a tout raccroché, il ne décroche pas, donc s'il le faut, bien, nous reviendrons dessus lundi, mardi, vous irez même en duplex, peut-être là-bas Hervé Pouchol. Oui, alors j'ai regardé un petit peu sur Google Maps, yes, pour essayer de voir où se trouvait ce monsieur. Le problème, je voulais trouver un voisin. Le problème, il est en race campagne, il est tout seul. Ah, donc je vais appeler la mairie. Appeler un mouton, moi. Un animal par là qui pourrait y aller. Un sanglier qui passe par là. Si vous êtes sanglier et que vous êtes en train de vous balader du côté de Saint-Berthevin, est-ce que vous pourriez aller voir chez monsieur Solbiac s'il veut bien nous répondre? Pendant que vous faites vos investigations agricoles, mon cher Hervé Pouchol, nous revenons sur le cas d'Éric. Voilà ce qu'Éric nous a dit sur l'antenne d'RTL. Je vous le rappelle. Il y a un an, j'ai acheté un véhicule pour mon fils et il est toujours en panne devant chez moi. Le professionnel à qui je l'ai acheté ne fait rien, même s'il me promet beaucoup. Et là, on perd patience. Donc, depuis... Est-ce qu'Éric est là? Bonjour Éric. Bonjour Julien. Je vais m'occuper de votre cas juste après les infos. Vous, aujourd'hui, vous avez un objectif, on détaillera un petit peu ça dans quelques instants, que le garage répare le véhicule à ses frais ou rembourse les 3000 euros du prix du véhicule, car la voiture a coûté 3000 euros et votre fils est pompier, il doit bouger fréquemment, il a besoin d'une voiture. Exactement. Et dès l'achat, elle est tombée en panne. Oui. Et donc les allers-retours au garage, il n'arrive pas à la réparer. Il y en aurait, en tout cas maintenant, il vous dit, il y en a pour 1200 euros. Il l'achète chez un professionnel, donc tout est simple, maître de Caumont, sur ce dossier. A priori, tout semble limpide, et ça serait bien qu'on entende le professionnel pour qu'on voit ce qu'il a à nous dire. Ça sera le cas dans quelques instants, juste après les infos. Ce cas, plus le premier, plus un retour assez incroyable sur un cas d'hier sur RTL. Avec Mathieu qui pédale fort... Et qui veut arriver premier au Trocathlon pour vendre son vélo. Et s'équiper en club de golf. Ah, moins pratique pour se déplacer. Chez Decathlon, du 14 au 22 octobre, c'est le Trocathlon. Profitez-en pour changer de sport et revendre votre ancien matériel contre des bons d'achat. Decathlon, à fond la forme. Voir conditions en magasin et sur decathlon.fr. Label rouge. Il faut que je vous dise, je suis label rougien. Tout va bien. C'est juste que j'adore les viandes label rouge. Être label rougien, c'est vouloir le meilleur. Cette côte de bœuf, par exemple. Ce persillé, cette tendreté, cette saveur, ça donne envie de goûter, non? En même temps, vous savez, il n'y a pas de secret. Les professionnels s'engagent à produire des viandes de première qualité, et en plus, elles sont goûtées et préférées par les consommateurs, comme vous et moi. Vous aussi devenez label rougien. Avec le concours de l'Union Européenne. Aujourd'hui vendredi, nouvel arrivage chez Electro-Dépôt. Le rasoir électrique pour homme Philips 3 têtes flottantes est à un prix électro-dingue de 24,97€. Dépêchez-vous, il n'y a que 290 pièces. Electro-Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. 5 centimes d'éco-participation. Détail de l'offre en magasin. Electro-Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia et électroménager de France. L'Odyssée. Les Américains partent à la conquête de l'espace, et bien nous partons à la conquête de la mer. Embarqué pour une aventure incroyable. Plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. Lambert Wilson interprète le commandant Cousteau. Imagine tout ce qu'il reste à découvrir, à explorer. L'Odyssée, un film de Jérôme Salles avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou. Actuellement au cinéma. Avec RTL. Découvrons Samy Jean-Fédéton qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Non, et puis tu vois, 20 ans dans un bureau, c'est long. Je m'en rends compte, le salariat, c'est pas fait pour moi. Tiens, qu'est-ce que t'en dis ? Antoine Durand, carreleur mosaïste indépendant. Ça sonne bien, non ? Le Sprinter série Special Worker Mercedes-Benz est à seulement 16 990 euros hors taxes. Un utilitaire Mercedes-Benz à ce prix-là, ça donne envie de changer de métier. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Prix conseillé pour un Sprinter Worker fourgon 211 32N 3 tonnes. Offre non cumulable réservée aux pros hors Loire et flotte dans le réseau participant. Détails sur utilitaire.mercedes.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris de parler d'après les infos alors qu'on a encore largement le temps de faire le cas d'Eric. Peut-être parce que voilà, j'ai une petite envie pressante depuis tout à l'heure. Je vous dis vivement les infos et donc quelque part j'ai anticipé. Eric, nous allons donc appeler maintenant que nous avons bien résumé votre cas. Votre fils a acheté, c'est clair comme de l'eau de roche car il est pompier. Il a besoin d'une voiture pour pouvoir aller à la caserne à chaque fois qu'on l'appelle, je suppose. D'une voiture achetée chez un professionnel qui tombe tout le temps en panne. Le professionnel doit livrer, il a des tas de garanties et doit aujourd'hui réparer. Or, apparemment, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il... J'attends qu'on me réponde. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement ? Ah ben, à chaque fois, je lui laisse des messages ou je lui envoie des textos, il ne me répond pas. Ah, il ne vous répond pas, d'accord. Bon, moi, c'est clair. Non. Et puis, ça me dit que sa boîte vocale est toujours complète. Ah. Elle a une jolie petite musique. Ça fait un peu jeu du matin de la télé. Le Kikinou. Et les jeux, souvent, c'est des noms bienvenue comme ça. Il y avait le c'est quoi donc, le qui où qu'il est. Allô, c'est la boîte vocale. C'est la boîte vocale. Oh, mais il y en a marre des boîtes vocales ce matin. Hein. On peut tenter le ah bah oui, oui. Julien. Je vous en prie, allez-y. J'espère qu'il va nous répondre cette fois-ci. Ah, il y a des jours, mais ça, c'est le direct. On ne vous ment pas. On est un peu chat noir. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais encore une fois, tous ces numéros ont été essayés. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas comme ça un cas où ça ne répond pas. On ne le ferait pas, sinon au moins on ferait différemment. Mais là, ça veut pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais encore une fois être obligé de sortir le porte-voix. Est-ce que quelqu'un va peut-être pouvoir nous aider dans le 45 ? Bon, bah, on va laisser un message. Là, apparemment, c'est pas plein. Voilà. Bonjour, monsieur Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui. J'espère que je ne vous dérange pas. Il me dit oui, Eric. Allô, Eric, c'est vous qui parlez ? Eric, je vous entends mal. Vous m'entendez ? Allô, je suis bien chez BHK ? Non, c'est Eric qui me parle. Allô ? Oui, quel est votre prénom ? Oui, je suis bien chez BHK ? Non, c'est Eric. Non, c'est Eric, me dit-on. Là, c'est le plus grand sketch de l'histoire de la radio. Là, Eric, là, je parlais au répondeur de BHK. Monsieur, merci de nous rappeler, c'est la radio RTL au numéro qu'on vous laisse maintenant. On va se retrouver dans quelques instants sur RTL. Donc là, encore une fois, que les choses soient bien claires, une règle d'or avec Maître de Caumont, que si vous achetez une voiture chez un professionnel, parce que beaucoup peuvent aussi se faire endormir. La règle d'or sur RTL. Maître de Caumont, je vous écoute. Alors, lorsque vous achetez un véhicule à un professionnel, il faut savoir qu'il est présumé connaître tous les défauts du véhicule. C'est-à-dire qu'il peut pas dire « je savais pas, j'ai bien révisé le véhicule, mais je pouvais pas deviner ce qui allait arriver ». Il est censé tout savoir, tout comprendre, tout prévoir. Donc, il y a une présomption de responsabilité très forte qui pèse sur lui. Et si vous avez le moindre problème, vous vous retournez immédiatement avec un courrier recommandé et vous exigez qu'il assume directement ses responsabilités. Je termine en disant « il n'est pas question qu'il botte en touche en disant « on va demander aux assurances de s'organiser ça entre elles ». Non. Il assume, bien et sûr. Il appelle lui-même son assurance en garantie s'il a envie, mais il assume vis-à-vis de vous et il répond à vous. Allez, on fait un petit point info, si vous le voulez bien, sur les deux cas et je vais lancer le porte-voix sur le deuxième. On y va. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Il y a d'abord Yvette qui nous appelle avec une histoire également d'auto-entrepreneur garagiste qui doit certainement nous écouter, qui ne veut pas nous répondre. J'ai aidé mon fils à acheter une voiture. Un mois après, elle tombe en panne. Un auto-entrepreneur avait mal monté la courroie de distribution avant qu'un particulier ne vende ce véhicule à mon fils. Eh bien, nous avons essayé d'appeler cet auto-entrepreneur. Il m'a entendu, il a raccroché. Depuis, on ne peut plus le joindre. Et nous disons à notre ami de MS Auto, la société de M. Marc Solbiac à Saint-Berthevin, Si vous le connaissez, essayez de l'appeler. Enfin, ceci étant dit, décroche pas, donc vous aurez du mal aussi. Mais on veut juste essayer de régler le problème. Apparemment, une courroie a été mal montée. Il y a forcément une solution à trouver. Merci de nous répondre. Sinon, ça finira au tribunal et tout le monde sera perdant, mais lui, peut-être encore plus. Donc c'est idiot. On est juste là pour discuter. Deuxième cas, celui d'Eric à l'instant. Eric et son fils, qui est pompier, qui achète chez un professionnel. Alors là, pour le coup, on a appelé sur les deux téléphones. Ça ne répond pas pour l'instant, mais la personne ne sait pas qu'on cherche à le joindre. Donc je lance un appel à LE Automobile, entre parenthèses, BH Car. Alors c'est soit l'un, soit l'autre. LE Automobile, BH Car. Le patron serait monsieur Alexis Hele, H-E-L-E-U, H-E-L-E-U. Ça se trouve rue des Cassines, à Saint-Denis-en-Val, dans le Loiret. Peut-être êtes-vous à côté de Saint-Denis-en-Val, dans le Loiret, de la rue des Cassines. Si vous pouviez passer et tendre le téléphone, on rappelle que la rue des Cassines, c'est ma cousine. Alors pour l'instant, oui, ça bloque. Rien de du côté des négociateurs pour l'instant. Non, malheureusement, ça sonne au garage, mais après on tombe sur la messagerie, Julien, pour le cas numéro 2. Attends, d'abord ouvrir votre micro. Je viens de recevoir un message, j'essaye de joindre le patron avec mon portable. Et je viens d'envoyer un texto en disant « je vous rappelle ». Ah, pas mal, c'est parfait. De votre côté, Hervé Pouchol, est-ce que ça bouge d'un côté ou d'un autre ? Écoutez, j'essaye de trouver un moyen pour contacter ce monsieur. Et j'ai peut-être trouvé quelque chose. Madame Rousseau, qui n'a rien à voir avec le douanier, oui, qui est, fait partie des services techniques de la mairie, qui va avoir la gentillesse de me passer un coup de fil à ce monsieur pour le convaincre de nous parler. C'est très gentil. Sympa. Sur quel dossier ? Parce qu'on n'a pas compris. Ah, pardon. Je vous en prie. Moi, je suis tellement concentré sur le dossier. Dossier d'Yvette, bien entendu, son officiel et l'auto-entrepreneur, pardonnez-moi. En tout cas, merci pour toutes ces citations qui prouvent qu'on a quand même des lettres. Bécassine, c'est ma cousine, le douanier Rousseau, c'est vraiment là. C'est une catastrophe. Ah oui, c'est le Lagarde et Michard. Il y aura le cas de Franck hier. Figurez-vous que je vous rappelle que la mère de Franck a la même assurance depuis 15 ans. On lui vole sa voiture, elle fait toutes les déclarations et c'est tout à fait logique. L'assurance lui demande le double des clés. C'est ce qu'une assurance demande en cas de vol. Elle donne le double des clés, elle ne comprend pas pourquoi au bout de quelques mois, il n'y a toujours rien. On a essayé d'appeler la GMF. On sentait bien qu'il y avait un loup, mais la personne que nous avons eue hier n'a pas voulu nous le dire et visiblement ne l'a pas dit non plus à son assuré. Eh bien là, ça y est, nous avons du nouveau et vous en saurez plus dans quelques instants sur RTL. Que vous appelez dès maintenant, tout problème de PV, de radar, vous savez, les radars qui pètent les plombs. Tiens, j'ai lu là récemment encore une fois qu'une petite 104 qui date de 20 ans a été flashée à 190 ou à 200. On est content, le type. Hein. Voilà, c'est ça, si vous avez des PV comme ça qui pètent les plombs, appelez-nous vite. Nous avons demandé à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire de médecine esthétique français, comment lutter contre les rides. À l'origine, notre spécialité chez Filorga, ce sont les injections anti-âge en cabinet médical. Aujourd'hui, nous mettons cette efficacité au service de toutes les femmes, grâce à nos crèmes anti-rides révolutionnaires. Et ça marche ? Eh bien, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec notre crème Time Filler, les rides sont divisées par deux en deux mois. Time Filler des laboratoires Filorga est devenu en juin le numéro 1 de l'anti-rides en pharmacie et chez Marionneau. Merci Plus, c'est moins. Moins de fatigue, moins d'impôts. Merci Plus, c'est plus. Plus de temps, plus de confort. Avec Merci Plus, découvrez le plaisir de rentrer chez vous. Le ménage fait, votre intérieur rangé. Retrouvez l'agence Merci Plus proche de chez vous sur merciplus.fr. Merci Plus, les experts du ménage à domicile. Salut, moi c'est Pat. Pat in, oui je sais. Bon, j'ai rien contre le patinage, noté. En revanche, une voiture qui patine, y a rien d'artistique. Je dis ça rapport à mes deux pneus lisses. Solution, prendre rendez-vous sur citroën.fr. Pendant les portes ouvertes du 13 au 15 octobre, le deuxième pneu est à moitié prix et avec Michelin, j'ai même une carte carburant. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre pneus réservée aux particuliers hors pause pendant les portes ouvertes. Offre carburant jusqu'à 50 euros, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. 3000 euros, c'est moins. 2000 euros, moins. Arrêtez de jouer. Pendant le mois cash-cash, votre cuisine est là à partir de 1690 euros. Cash. Cuisine est là. Des cuisines qui donnent envie. Prix pour le modèle Vega selon implantation type. Voir conditions en magasin. Merci d'être avec nous sur la radio numéro 1 et l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h. On se retrouve dans une seconde. What's the sense in sharing this one and only life? Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'hiver. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. Vous écoutez RTL, il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Anne Le Hennaff. Bonjour Anne. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les audiences du premier débat des primaires de la droite, hier soir sur RTL et TF1, vous étiez 5,6 millions devant votre télévision, avec même un pic à 6,5 millions, des chiffres plus importants que la primaire de la gauche il y a 5 ans. Selon un sondage Sofres pour LCI et Le Figaro, c'est Alain Juppé qui sort favori de ce débat pour 36% des personnes interrogées, devant Nicolas Sarkozy qui est à 22%. François Fillon et Bruno Le Maire sont ex aequo avec 11%, 3% pour NKM, 2% pour Poisson et 1% pour Copé. Prochain débat, les deux prochains débats auront lieu les jeudi 3 novembre ainsi que le 17 novembre, à 3 jours avant le vote. François Hollande a-t-il vraiment l'intention de se représenter en 2017? Claude Bartolone en doute. Le président de l'Assemblée nationale a perçu une hésitation en lisant le livre de confidences publié par deux journalistes cette semaine. Un président doit entretenir le feu sacré de la République, précise Claude Bartolone dans le quotidien La Provence. Sur RTL ce matin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a dit penser que Hollande voulait se représenter, mais il ne se facilite pas la tâche, a-t-il précisé. Les écoles de l'Hérault doivent rouvrir cet après-midi. Le département est repassé en alerte orange. Pas de dégâts majeurs après les fortes pluies de la nuit dernière. Même si les pompiers ont effectué 166 interventions, les cours ne seront pas forcément assurés dans les écoles. Chaque parent doit se rapprocher de la direction des établissements pour savoir comment les enfants seront accueillis. Nouveau drame des migrants dans le Nord, un Irakien a été tué et deux autres blessés, heurtés par un train tôt ce matin, près de Longplage, à côté du camp de Grand-Sainte, camp qui héberge environ 700 migrants. Le Rwanda se lance dans la livraison de sang aux hôpitaux par des drones. Le président rwandais doit inaugurer une base de lancement aujourd'hui. Ces drones assureront l'approvisionnement en sang de 21 cliniques de l'ouest du pays des Mille Collines. L'accès aux transfusions sanguines, pas toujours simple, est crucial, notamment lors d'hémorragies pendant l'accouchement. Le temps pour aujourd'hui, c'est encore très agité donc sur le sud-est du pays avec des pluies soutenues, des orages et un vent fort sur les côtes. Trois départements sont donc toujours en vigilance orange. L'Hérault, le Gard, le Var ainsi que le littoral de l'Aude où de fortes vagues sont encore attendues. Ces fortes pluies s'étendront ensuite vers la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Ça ne se calmera que la nuit prochaine. Plus au nord, le ciel sera couvert sur les trois quarts du pays avec donc de la pluie plus faible en remontant vers le centre, la région parisienne, les Hauts-de-France et le Grand Est. Sur le nord-ouest, c'est sec et les températures varieront de 12 à 25 degrés, 12 à Annecy, 14 à Mâcon et à Paris, 16 degrés à Lorient, 18 à Avignon et à Montpellier, 21 à Toulon et 25 à Ajaccio. Pour un confort toujours au beau fixe, choisissez Viessmann. Viessmann, des solutions de chauffage innovantes, performantes et durables. Votre projet sur mesure commence sur viessmann.fr. Les courses à Vincennes en nocturne, voici les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet Plus. 5, 13, 7... 9, 12, 15, 6 et 2. 5, 13, 7, 9, 12, 15, 6 et 2. Sa dernière minute, c'est le 13. Super Fez. 10h04 sur RTL. Très bonne matinée à tous avec Julien Courbet. Merci beaucoup. En vous souhaitant une belle journée, je vous dis à tout à l'heure 11h. À tout à l'heure. Eh bien, écoutez, ici, hein, vraiment, il se passe quelque chose. Ah, ben écoutez, c'est des bonnes ondes positives. Le week-end arrive, on l'a mérité, mais on a encore du boulot. Et conscient de notre mission, nous allons réattaquer maintenant. À tout à l'heure, Anne. À tout à l'heure. Car il est quasiment 10h05. Maître de Caumont, le druide spécialiste du PV, du radar, de la voiture, de tout ce qui fume et qui sent l'huile, est avec nous ce matin. The best in the country. Il y a Maître Felono qui est là, une double négociation. Très rapidement, alors on va faire un point info, mais un très très court pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nos amis de 10h ont besoin de savoir quels sont les marrons qui sont au feu. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Mais rapidement, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, nous sommes toujours en attente. Il y a une alerte apparemment, une alerte sur quel dossier s'il vous plaît Bernard? C'est Eric, vous savez le problème de la voiture de son fils. Chez le garage en ligne, bonjour, allô, allô automobile. Oui, bonjour monsieur. Non, l'agence BHCAR, bonjour. Oui, BHCAR, alors je ne savais pas trop si c'était BHCAR ou allô automobile. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas et ne vous inquiétez pas monsieur, rien de grave. Dites-moi j'ai tout. Eric Baird qui est en ligne avec nous, qui c'est le pompier qui vous a acheté une voiture. D'accord. Vous voyez de qui il s'agit ? Pas du tout. Alors, il vous a acheté... qu'est-ce que c'était comme voiture, Eric ? Une 307 HD. Une 307 HD, il y a eu des soucis tout de suite. Et apparemment, aujourd'hui, la voiture est tombée en panne quasiment dès le lendemain, je crois. D'accord. C'est une voiture qu'il avait achetée 3000 euros. Il a multiplié les allers-retours au garage, rien n'a changé. D'accord. Et aujourd'hui, apparemment, il n'arrive plus à communiquer avec vous, ce monsieur. Alors, qui va vous dire bonjour. Oui. Quel est son souci exactement ? Alors, Eric, mais vraiment en deux mots, quel est le souci ? Eh ben, c'est que le problème de FAP et puis vanne EGR. SAP et Van EGR, d'accord ? Et la personne qui s'est occupée de vous, monsieur ? Bah, c'était vous. Ah. Alors, moi-même, je ne pense pas, puisqu'on a demandé à monsieur Heleux. C'est avec vous, monsieur Heleux, que j'ai vu. Mais qui, est-ce que c'est vous, monsieur, qui êtes en ligne, monsieur Heleux ? Alors, je ne suis pas monsieur Heleux. Ah, je suis c'est pour ça. Collaborateur de monsieur Heleux. C'est un collaborateur, c'est pas lui, Eric. Ah, pardon. Voilà. Donc, juste, monsieur, est-ce que vous pourriez nous passer monsieur Heleux, que l'on puisse avancer dans le dossier, comme s'il a acheté un professionnel et il a bien fait. C'est normal qu'il puisse espérer avoir une voiture qui marche. Alors, bien sûr, il y a aucun souci. Alors, en revanche, monsieur Heleux est en rendez-vous. D'accord. Donc, je vais prendre tous les renseignements. Je vais vous demander que vous rejoignez au plus vite. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous passe quelqu'un, Bernard. Si vous pouviez vraiment lui demander de nous rappeler assez rapidement, ça nous évite de refaire une émission lundi là-dessus. Oui, je m'en occupe de suite. D'accord. Merci, monsieur. Bon, Eric, nous avons donc trouvé un interlocuteur du côté de LE Automobile BHK. Monsieur LE est en rendez-vous, mais son adjoint va lui passer le téléphone. Donc, ça, c'est le cas d'Eric, qui a un fils qui est pompier, qui a acheté une voiture chez un professionnel et la voiture ne marche pas. En attente, toujours par contre bloqué. Il va falloir donc se déplacer ou refaire l'émission lundi avec l'auto-entrepreneur qui aurait mal, je mets ça au conditionnel, changé la courroie de distribution et qui aujourd'hui ne veut rien faire alors qu'un autre garage dit « Regardez, ça a été mal monté, c'est pour ça que ça ne marche pas ». Donc, c'est pas très compliqué comme cas. Je ne comprends pas pourquoi ce monsieur que nous avons eu au téléphone, monsieur Marc Solbiac, qui est à Saint-Berthevin, nous a raccroché au nez. Oui. Alors, j'avais une jeune femme qui a eu la gentillesse de passer un petit coup de fil, mais à titre vraiment personnel pour nous aider, pour joindre cette personne. Il n'a pas répondu. Ensuite, elle m'a passé son directeur général qui m'a dit, nous, c'est pas notre rôle d'appeler, vous passez par un conciliateur de justice. Je lui ai dit, on voulait juste un petit coup de main. Et ce monsieur m'a raccroché au nez. Écoutez, merci Hervé Pouchol. Maître Fellonneau, vous êtes restée très discrète sur tous ces dossiers. Il est grand temps maintenant de prendre votre envol. Je veux bien. Non, mais tout va bien sur ces dossiers, rien de particulier. Moi, je trouve que le dossier... Excusez-moi que si je vous ai dérangé. Pas du tout, je trouve que le dossier que vous dites très simple n'est pas si simple que ça, étant donné qu'il y a une défaillance d'un garagiste qui a une obligation de résultat lorsqu'il faut faire une réparation, et qui là revient mettre un grain de sable énorme dans cette vente entre deux particuliers. Et je rappelle que celui qui a vendu reste responsable vis-à-vis de notre auditeur en disant, écoutez, je suis désolé maintenant, il va falloir que vous me remboursiez si vous n'êtes pas capable de faire bouger votre garagiste. Et dans une seconde, le cas d'hier. Juste une petite précision, Maître Decomont, puisqu'on va revenir sur ce cas de cette personne qui se fait voler sa voiture, qui dépose plainte. On est bien d'accord que l'assurance, il faut le rappeler à tout le monde, quand on se fait voler sa voiture, est en droit de réclamer ou le double ou les deux clés, même les deux clés normalement, puisque la clé n'est pas censée être sur la... Normalement, vous avez deux clés sur un véhicule. Donc, ce que font systématiquement les assurances pour vérifier qu'il n'y a pas une tentative d'escroquerie et que vous n'avez pas laissé les clés pour que la voiture soit volée délibérément ou donner les clés à un complice pour qu'il parte avec la voiture, elle demande les deux jeux de clés pour qu'elle ait la preuve implicite qu'il y a eu une effraction, que la voiture a été volée sans votre consentement puisque vous aviez les deux moyens de la démarrer qui étaient restés en votre possession. Donc c'est une démarche parfaitement habituel et normal. Après, ce que fait la GMF me semble déjà plus contestable. Ah non, alors vous allez voir qu'après la GMF, elle prend ses clés pour les analyser et c'est là où elle va découvrir des choses qu'on n'a pas pu obtenir hier mais que l'on a obtenu depuis. Restez sur l'antenne d'RTL parce que vous allez voir que le dossier prend une toute autre dimension. Vulcania. Papa, c'est les volcans qui ont fait disparaître les dinosaures ? Les météorites, je crois. T'es sûr ? Eh ben, et si on allait à Vulcania ? Génial ! Sur les traces des dinosaures, nouveau parcours en 2016. Vulcania en Auvergne ? Partez en exploration. Offre séjour, votre deuxième nuit à moins 50%. Conditions sur vulcania.com. RTL. 3000 euros ? C'est moins. 2000 euros ? Moins. Arrêtez de jouer. Pendant le mois cash-cash, votre cuisine est là à partir de 1690 euros. Cash. Cuisine est là. Des cuisines qui donnent envie. Prix pour le modèle Vega selon implantation type. Voir conditions en magasin. Le cyclamen me donne des envies de poésie. Cyclamen, mon ami. Alors qu'à l'automne, d'autres plantes sont endormies. Toi, tu es Stéphane, plein de vie. Vous allez être ravis. Car chez Gamme Vert, jusqu'au 15 octobre, le mini cyclamen en pot de 10 cm est à 1,95€. Oui, 1,95€. Gamme Vert, le goût du jardin. Différents coloris, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Salut, moi c'est Pat. Pat in, oui, je sais. Bon, j'ai rien contre le patinage, noté. En revanche, une voiture qui patine, y a rien d'artistique. Je dis ça rapport à mes deux pneus lisses. Solution, prendre rendez-vous sur citroën.fr. Pendant les portes ouvertes du 13 au 15 octobre, le deuxième pneu est à moitié prix et avec Michelin, j'ai même une carte carburant. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Citroën. Offre pneus réservée aux particuliers hors pause pendant les portes ouvertes. Offre carburant jusqu'à 50 euros, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est parti donc pour revenir sur cette histoire de voiture volée. Les doubles des clés sont demandés par l'assurance et ça c'est tout à fait normal. Mais hier, nous avions un auditeur, c'est Franck qui est en ligne avec nous. Franck, rebonjour. Oui, bonjour. Hein, qui appelle pour sa mère, puisque c'est sa mère qui s'est fait voler la voiture. Et hier, on avait un monsieur de la GMF, c'est vrai, qui était un petit peu mystérieux, qui disait, mais vous ne savez pas tout. Et je lui disais, évidemment qu'on ne sait pas tout. Et votre client non plus ne sait pas tout. Il aimerait savoir pourquoi, après tous ces mois, on ne lui rembourse pas. Donc, vous me garantissez, avant que je vous annonce d'autres choses, Franck, qui vous allez voir sont quand même assez, assez bizarres, que vous n'avez aucune information depuis que vous avez reçu ces clés. Enfin, depuis que vous avez envoyé les clés. Non, du tout. Bon, alors hier, la GMF nous a envoyé un mail, Sarah. Effectivement, Julien, je crois que c'est une enquête à la hauteur de Sherlock Holmes. Pourquoi ? Il y a vraiment un rebondissement incroyable. Je cite, « Madame Morin a acheté un véhicule le 12 janvier 2016 dont les documents administratifs correspondent à un véhicule totalement incendié en Allemagne le 14 08 2001. » Ensuite, Madame Morin, 2011, « Madame Morin a acheté ce véhicule à un monsieur qui a déclaré l'avoir acheté » le 3-12, donc c'est incompréhensif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir incendié totalement ce véhicule pour le revendre roulant le 3-12-2015. Donc il y a un gros problème au niveau de cette enquête. Donc la GMF en fait a proposé à Madame Morin, la maman de notre auditeur, de déposer plainte contre le vendeur. Et la GMF réglerait les frais de son avocat. Affaire à suivre, Julien. Alors, on va reprendre maintenant tout doucement, parce que là, pour nos auditeurs, ça a été très très vite. Elle achète donc Madame Morin, c'est-à-dire votre maman. Vous avez bien entendu tout ça, Franck ? Oui, j'ai bien entendu. Vous n'étiez pas au courant de tout ça, on est d'accord ? Non, du tout. Vous le découvrez. C'est-à-dire que jamais votre assurance ne vous a dit qu'il s'était passé tout ça ? Non, pas du tout. Bon, donc, ils disent bien que votre mère a acheté un véhicule le 12 décembre 2000, combien, Maître Fellonneau ? 2015. Dont non, pardon, excusez-moi, elle a acheté le 12 janvier 2016. 2016. Or, il s'avère qu'elle a acheté un particulier, effectivement, qui, lui, l'a acheté quelques jours avant, le 3 décembre 2015. Ouais. Or, il ne peut pas avoir acheté ce véhicule parce qu'il a été complètement incendié 6 mois avant, en août. Alors, donc, c'est très bizarre. On va demander à Sherlock Holmes, justement, puisque vous en parliez, Sarah, à Maître de Comment. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si effectivement ce que dit la GMF est vrai, c'est-à-dire ? J'essaie de comprendre. Moi, j'essaye aussi de deviner ce qui peut se passer. Et elle a bien acheté un véhicule, Yvette. Physiquement, il y avait une voiture. Ou alors, c'est effectivement qu'elle s'est lancée dans une escroquerie caractérisée si elle a fait assurer un véhicule qui n'a jamais existé. Donc, on considère bien sûr que Yvette a acheté physiquement un véhicule. Ce véhicule avait, j'allais dire, une identité. Sauf que cette identité apparemment correspond à un véhicule qui aurait été totalement détruit par le feu 6 mois auparavant. À partir de là, il y a deux options. Soit le véhicule a été totalement reconstruit, ce qui n'est pas interdit mais qui serait économiquement insensé. Je ne l'imagine pas, a priori. On fait ça pour des véhicules historiques de collection, on ne fait pas ça pour une voiture banale, c'est beaucoup trop cher. Soit effectivement, il y a une question de vol ou quelque chose comme ça derrière, et on a donné à la voiture qu'a acheté Yvette une identité, un numéro de série, un numéro de châssis du véhicule qui avait brûlé. Ça, c'est une enquête, et j'ai envie de dire, est-ce que cette enquête concerne l'assuré qui est Franck, qui s'occupe de sa maman, ou est-ce que ça change quelque chose dans le remboursement ? Est-ce que l'assurance a le droit de dire, comme cette voiture n'est pas nette, nous on peut pas la rembourser, bien qu'on ait touché, mais c'est pas, il y a pas de malice dans ce que je dis, bien qu'on ait touché des cotisations pour l'assuré pendant des années. Oui, alors c'est là qu'est le problème, Julien. C'est qu'effectivement, soit l'assurance soupçonne Yvette d'avoir commis une fraude à l'assurance. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, d'avoir assuré un véhicule qui n'a jamais physiquement existé. Pourquoi pas ? Et dans ce cas-là, son attitude est logique. Elle ne veut pas donner des sous à quelqu'un qui a peut-être escroqué sa compagnie. Soit elle est juste perturbée, elle pense qu'il y a dû avoir un vol, il y a dû avoir des choses en amont de la vente à Yvette. Mais dans ce cas-là, l'assurance n'a pas à se faire juge, n'a pas à faire la loi. Elle doit rembourser Yvette. Une alerte, excusez-moi, je vous en prie, Julien. Oui, Bernard, dites-moi vite. C'est le cas d'Éric, vous savez, qui a acheté la voiture pour son fils qui est pompier. Voilà, oui. On a le garagiste carrément, monsieur. Alors, Le qui est là. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors vous êtes, c'est monsieur à l'appareil ? Alexis Heuleux, le gérant de... Bonjour, monsieur Heuleux. Est-ce que vous êtes au courant du cas qui nous amène à vous parler ce matin en direct sur RTL ? Oui, bien sûr, tout à fait. Bien, alors, simplement, on essaie d'avoir votre position là-dessus, puisqu'Éric dit, elle n'a jamais marché cette voiture, je l'ai achetée chez un professionnel et j'aimerais bien qu'elle soit réparée. Alors, excusez-moi, j'ai pas. Vous m'avez dit ? Alors, Eric, donc, mais vous êtes au courant, donc ce monsieur vous a contacté. Oui, bien sûr. Donc, il nous dit qu'il a acheté une voiture chez vous, qui est un professionnel, et la voiture n'a jamais vraiment marché, et qu'aujourd'hui, il veut qu'elle soit réparée. Mais à vos frais. Alors, le véhicule n'a pas été vendu, si vous préférez, chez nous. C'était chez un collaborateur sur mer qui vendait des véhicules pour mon compte. Alors, effectivement, c'était bien... Mais c'est un professionnel, oui, d'accord. Oui, oui. Okay. Donc, il y a eu une première réparation, je crois, qui a été effectuée donc, chez notre collaborateur sur l'agence de mer, mais qui n'a pas donné suite, puisqu'il y a eu un souci, a priori, encore derrière. Par la suite, j'ai eu M. Baird, du coup, qui m'a expliqué tout l'historique avec mon collaborateur de mer. On a fait rapatrier le véhicule chez nous pour essayer de faire nous-mêmes les réparations. Donc, chose qui a fonctionné puisqu'il y avait un problème au niveau du FAP et de la vanne arrière sur le véhicule, hein, pour parler techniquement. Derrière, le véhicule roulait bien. Une semaine après ou deux, Monsieur Baird m'a rappelé pour me communiquer que le souci était revenu. Donc, exactement le même souci. Moi, ce qui s'est passé, étant donné qu'on ne fait pas de mécanique sur place qu'on a un garagiste avec qui l'on travaille, je me suis rapproché de lui pour lui expliquer le cas, savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça ne refonctionnait pas alors que la réparation avait été faite. Donc, on m'a demandé de ramener le véhicule directement donc chez mon garagiste. Le problème qui se passe, c'est que je crois que M. Baird m'a fait savoir que le véhicule ne roulait plus, ne dépassait plus les 20 km/h. Bien sûr, il est bloqué devant chez lui. Voilà, donc habitant Blois, il ne pouvait pas revenir chez nous. Enfin, chez monsieur, mon monsieur, pardonnez-moi de vous couper, comme on n'a pas énormément de temps. Tout ça, on est au courant aujourd'hui. Si je vous appelle, vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous faites pour aider le client ? Eh ben nous, ce qu'on doit faire, c'est récupérer le véhicule, si vous préférez. On est en train de voir pour récupérer une remorque, pour pouvoir le faire rapatrier chez le garagiste qui fasse la réparation nécessaire. Parce qu'il y avait deux choses possibles. Donc, si vous préférez, il faut qu'on puisse la récupérer. Donc, mais est-ce que ça, vous lui avez dit, Eric ? Parce qu'Eric semble nous dire, je ne peux jamais le joindre. Eric, c'est ce que vous m'avez dit ou pas ? Bah, tout à fait. Bonjour, monsieur Leu. Je vous avais laissé des messages et donc, j'ai toujours pas de réponse. Des textos, je vous en ai envoyé, j'avais pas de réponse. Bon, aujourd'hui, soyons positifs, monsieur Helleux, vous dites que vous allez aller chercher la voiture pour la réparer. Ah bah oui, là, mais j'avais eu monsieur Baird, s'est eu pendant, voilà, là, effectivement, depuis deux semaines, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail, mais je m'en occupe puisque j'ai relancé hier en lui expliquant que j'avais du mal à joindre le garagiste, je lui ai même laissé le numéro pour qu'il voit en direct. Bon, mais je m'engage, on va trouver une remorque, on peut fixer une date? Là en antenne, hein, Bernard, vous récupérez l'appel. Et c'est super, monsieur Le. Merci beaucoup de votre professionnalisme et de votre gentillesse, monsieur Le. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bon, allez, ça avance, Eric. Bernard va fixer un rendez-vous. Ils vont venir chercher avec la remorque. On va revenir parce que des alertes, il y en a en voiture. D'habitude, le Money Time est à 11h moins 20, 11h moins le quart. Mais j'ai l'impression qu'il vient d'arriver tout de suite, le Money Time. Allez, attention, tout se joue maintenant. C'est le monétaire. Parce que je connais votre prénom. Marc, ne quittez pas. Bonjour Marc. Attendez, Marc est sur mon portable, Julien. Oui, alors Marc Solbiac est sur le portable d'Hervé Pouchol. Vous discutez avec lui. Donc, ça tombe bien. Vous savez, c'est l'auto-entrepreneur que nous cherchons à joindre depuis tout à l'heure. Hervé a réussi par différents moyens à l'avoir. Allô, m'entendez-vous, monsieur ? Allô ? Bonjour, monsieur. Prenez-le, Hervé, parce que là, parlez-lui et vous faites en sorte qu'il le téléphone dans le studio, parce que là, j'étais en train de lui parler sur son portable. Ah là, c'est vraiment à l'ancienne, hein, c'est le système D pour joindre les gens. Donc, vous allez pouvoir suivre tout ça dans quelques instants. Ça bouge, c'est pour ça, c'est le direct, c'est la vie, c'est ce que vous vivez au quotidien quand vous galérez des fois pour avoir quelqu'un, c'est pareil pour nous. A tout de suite sur RTL. Oh là là, je sens que ça va bouger. A tout de suite. Éléonore vend un deux pièces vu sur les toits, lumineux, elle est en salle d'accouchement, elle crie. Sylvie cherche un deux pièces vu sur les toits, lumineux, elle est en discothèque, elle crie. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Jusqu'au 25 octobre, tout doit disparaître chez Conforama. Jusqu'à moins 50% en meubles, déco et électroménager. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Capture, le crossover bien campé sur ses appuis. Capture, soutenu par EasyPack à partir de 189€ par mois sans apport. 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pack tout inclus pour Capture Life Energy TCE 90. LLD 49 mois, 40 000 km maximum si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant, voir Renault.fr. Marie est une jeune femme de maintenant. Elle partage des photos de petits chatons trop mignons. Bon, il y a aussi les licornes. Mais ça ne l'empêche pas de penser à la planète et à son budget. Chez Boulanger, on a donc pensé à Marie avec l'opération Happy Eco Eco, une sélection de produits écologiques et économiques. Comme le congélateur armoire Siemens, 195 litres A++ à 599 € au lieu de 749 et consommant jusqu'à 40% moins qu'un appareil de classe A. Boulanger, c'est 130 magasins près de chez vous et boulanger.com. Prix valable jusqu'au 23 octobre sur modèle GS29NOW30. 14 € d'éco-participation. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, ça continue. Le faux filet de bœuf 3 étoiles à griller Jean Rosé Origine France est à seulement 9,50 € le kilo. Oui, 9,50 € le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à demain. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, faux filet 3 étoiles à griller à partir de 1,5 kg environ. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Nous avons demandé à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire de médecine esthétique français, comment lutter contre les rides. À l'origine, notre spécialité chez Filorga, ce sont les injections anti-âge en cabinet médical. Aujourd'hui, nous mettons cette efficacité au service de toutes les femmes, grâce à nos crèmes anti-rides révolutionnaires. Et ça marche ? Eh bien, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec notre crème Time Filler, les rides sont divisées par deux en deux mois. Time Filler des laboratoires Filorga est devenu en juin le numéro 1 de l'anti-rides en pharmacie et chez Marionneau. Monsieur Dubérac, oui, je vous appelais pour vous prévenir que je ne viendrai pas ce matin. Ni demain d'ailleurs. Et les autres jours, non plus. Je commence une formation d'électricien. Voilà, voilà. Le Vito Série Special Worker Mercedes-Benz est à seulement 14 990 euros hors taxes. Un utilitaire Mercedes-Benz à ce prix-là, ça donne envie de changer de métier. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Prix conseillé pour un Vito Worker fourgon compact 109 CDI. Offre non cumulable réservée aux pros hors Loire et flotte dans le réseau participant. Détails sur utilitaire.mercedes.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bien, Bernard Sabat, nous pouvons normalement maintenant annoncer à Eric que son véhicule va être remorqué très rapidement. Oui, je pense qu'Alexis Leu qui nous écoute et qui va le dire, je pense lui-même, a fixé un rendez-vous avec Eric. C'est super. Allez-y, Alexis. Bah oui, rebonjour. Je confirme effectivement à l'oral que le véhicule sera remorqué avant vendredi prochain. On a un partenaire qu'on va tenter de joindre aujourd'hui pour récupérer une remorque et y aller au plus vite. Alors je vous dis vendredi en date butoir, mais on va tâcher de faire ça en début de semaine au plus rapide. Allez, ça marche, c'est super. Vous nous appelez pour nous dire, Eric, que tout va bien. Sarah vous prendra des nouvelles, vous appellera. Merci monsieur de votre gentillesse, monsieur Leu. Je vous souhaite un bon week-end. Merci vous beaucoup. De même, bonne fin de journée. Bon, bah voilà, écoutez, quand on dialogue, voyez, souvent on dit oui, il y a des garagistes qui nous insultent, ce qui est vrai, mais il y en a aussi des super sympas et je suis là pour le dire aussi. Alors c'est super pour Eric qui va avoir sa voiture remorquée. Nous allons revenir dans une seconde donc sur cette histoire de clés, de double de clés, de voiture incendiée. On n'a pas encore tout dit, mais c'est vraiment une vraie enquête. On va se retrouver sur RTL après avoir fait la part belle à LP pour les plus branchés Lost on You. C'est une très belle chanson sur RTL. On vous souhaite un très très bon week-end. Profitez-en et profitez-en aussi pour nous appeler maintenant si vous avez des PV qui pètent les plombs ou des radars flashés à 300 km/h avec un vélo. Ça s'est déjà vu. Peut-être vous, appelez-nous. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Falling tender, long for the days of no surrender years ago. And will you know? Smoke up if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke up. Sonnieux sur RTL. Nous revenons donc sur ce dossier. Maître de Caumont, s'il vous plaît. Donc on rappelle que la voiture a été volée. Elle a donné les deux clés à l'assurance. L'assurance fait expertiser ses clés et s'aperçoit que le passé de cette voiture est incroyable. Acheté, volé, incendié. Donc aujourd'hui, ben, le client il dit, ben, alors on me rembourse ou on me rembourse pas? Quel est votre point de vue et que propose l'assurance? Alors effectivement, Julien, si l'assurance n'affirme pas, ne prétend pas qu'il y a une escroquerie, une tentative d'escroquerie de la part d'Yvette qui, par exemple, aurait fait assurer un véhicule n'existant pas, ça c'est déjà vu, et pour pouvoir le déclarer, bien sûr, volé et se faire rembourser du vent, puisqu'elle a rien acheté, effectivement. Elle est courageuse de passer à la radio si elle a fait ça pour le dire à la France c'est entière. C'est inconscient, on est bien d'accord. Donc à partir de ce moment-là, bah, y a eu une voiture, elle a été assurée, elle a payé des cotisations pour ça, elle a été volée, ça n'est pas remis en cause a priori par l'assurance. C'est pas le passé qui remet en cause que le vol ait eu lieu. Bon, à partir de ce moment-là, il y a remboursement, c'est déjà une première chose. Remboursement de quel montant? Ça peut être déjà un peu plus un problème, peut-être une première provision, je ne sais pas. Si la compagnie d'assurance estime que la voiture est peut-être beaucoup plus vieille que ce qui a été annoncé à Yvette quand elle l'a achetée, qu'elle a une valeur bien moindre, c'est un autre problème. Quant à déposer plainte, puisque vous avez vu, Julien, que l'assurance dit « portez plainte contre votre vendeur ». Non, bah, la GMF a proposé à son assuré voilà, de déposer plainte contre son vendeur. C'est exactement ce qu'elle vient de dire. Les frais d'avocat, on est parfaitement d'accord. Eh bien, en l'occurrence, moi je dis non. Je dis non parce que déposer une plainte nominative contre son vendeur, ça veut dire vous avez commis une infraction pénale, vous m'avez escroqué ou quelque chose comme ça. Or, si ça se trouve, le vendeur était lui aussi de parfaite bonne foi. Donc, à tout le moins, ça serait une plainte contre X que la personne aurait éventuellement à déposer, sachant que ce n'est pas non plus une condition du remboursement. Je comprends que l'assurance y tienne, elle pourrait elle-même aussi d'ailleurs s'intéresser à la question. Allez, ça marche, on va avancer là-dessus, voire peut-être appeler la GMF pour qu'il nous explique maintenant qu'est-ce qu'il faut faire exactement, parce que nous on n'a pas tout à fait la même position que... Combien ils vont payer maintenant? Combien exactement. Ils vont payer, c'est ça qu'il faut leur dire. Et nous allons dans une seconde également revenir sur le cas de Gilles, une histoire assez incroyable puisqu'il se battait avec sa mutuelle et sa banque, il se renvoyait la balle, tout ceci sur votre radio RTL dans le 9h30-11h. Bon week-end. Une Yaris hybride, t'as encore été augmenté? Bah non, mais pas du tout, elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois? Bah ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama. Alors, comment améliorer l'assurance de votre commerce? La vitrine de ma boutique vient d'être brisée. Et en attendant les travaux? Je dors pas tranquille. Une bâche, ça protège de la pluie? Mais pas des voleurs. Bon, si la réparation d'urgence n'est pas terminée dans la journée, on postera un agent de sécurité devant votre boutique pendant les réparations. Être mutualiste, c'est trouver ensemble des solutions à vos préoccupations. Groupama Pro, la vraie vie s'assure ici. Intervention au titre de votre garantie d'assistance, durée maximale 72 heures. Se référer au contrat. Plus d'informations sur groupamapro.fr. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi cheval qui rit à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé? Chez Lidl? Mais qu'est-ce que tu racontes? La paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,49€. 1,49€ le filet de 2,5 kg? Oui, et Origine France, patron. Hein. Ça fait 60 centimes le kilo de pommes de terre. On va encore. Paumé, oui, ça va, j'ai compris. Je suis mal. On est mal, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-55. Variété Annabelle, Marilyn, Jazzy, Galante ou Charlotte selon magasin. Origine France. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le Money Time avec une alerte une nouvelle fois sur le cas lancé tout à l'heure à 9h30. Hervé Pouchol, je vous écoute. Allez, on revient sur le cas d'Yvette et son problème avec sa voiture. On a enfin l'auto-entrepreneur Marc Solbiak qui a cru que c'était une blague tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a raconté. D'accord, je comprends. Donc je vous le passe. Marc est en ligne. Bonjour Marc, soyez le bienvenu en direct sur l'antenne d'RTL. C'est très sympa à vous de nous parler. Marc, bonjour. Rien de grave. Donc je vais vous faire écouter ce que Yvette nous a laissé sur le répondeur de RTL. elle. J'ai aidé mon fils à acheter une voiture. Un mois après, elle tombe en panne. Un auto-entrepreneur avait mal monté la courroie de distribution avant qu'un particulier ne vende ce véhicule à mon fils. Donc apparemment, vous avez fait cette réparation, il y aurait eu un petit... Je mets ça au conditionnel et c'est pour ça qu'on vous appelle, hein, pour avoir votre version. Il y aurait eu un petit souci sur le montage de la courroie qui fait que maintenant la voiture est en panne. Oui, j'ai eu cette personne-là. Oui. Au téléphone et je l'ai rappelé parce qu'on voulait... Elle habite dans le 22, moi je suis un peu dans la Mayenne, donc c'était trop loin pour moi pour chercher le véhicule. Et je lui ai dit, vous mettez ça dans les mains des assurances, directement. Mais pourquoi mettre ça dans les mains des assurances, monsieur? Vous êtes mécano, si vous réparez mal, il ne voit pas ce que l'assurance vient faire là-dedans. Oui, mais l'assurance pour avoir les dégâts qu'il a causés par rapport au véhicule, et que moi j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps honnêtement par rapport à ça. Mais donc, monsieur, moi, elle vous a payé. Non, c'est pas elle qui m'a payé. Bah, là, vous avez été payé pour une prestation, cette prestation. Est-ce que vous reconnaissez déjà qu'il y a eu un problème sur la courroie? Bah, je sais pas, j'ai pas vu le véhicule. Monsieur, c'est quand même incroyable. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais aller chez mon mécanicien, s'il me répare mal ma voiture, il va falloir que je voie des assurances? Oui, non. Déjà, mais si, c'est ce que vous me dites. Vous n'arrivez pas à comprendre. Je pense que ce véhicule-là est parti dans le 22. Je suis prêt à aller, par rapport à mon assurance, j'ai été bonne foi, aller voir mon assureur pour voir par rapport aux réparations, type. Les dommages qu'ils ont causés par rapport à cette courroie qui était mal montée. J'ai pas vu le véhicule. Madame Yvette, et j'ai eu au téléphone. Et j'étais d'accord. Je suis pas arrêté au problème. Je suis d'accord pour faire déplacer. Vous voulez voir le véhicule? Ça, par contre, c'est quelque chose que je peux comprendre, Yvette, que ce monsieur dise, moi, je veux bien faire ce qu'il faut, mais à une condition que je puisse voir le véhicule. On est d'accord, maître de Comon? Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Le véhicule, il est toujours au garage, oui. Hein, mais ça dure quand même depuis le 17 septembre et on n'a pas de... Vous avez bien eu au téléphone. Oui, mais qu'est-ce que vous m'avez proposé? Eh bien, par rapport aux experts, les experts se déplacent pour voir si c'est exactement les dommages qui ne sont pas causés. Parce que je voulais un chiffrage par rapport aux réparations. Le ministère, il vient quand? Mais c'est à vous de faire venir votre expert, monsieur. Bah, c'est là, au moins des assurances. Non, mais quelles assurances? L'assurance de qui, monsieur? Si vous avez mal réparé, vous appelez votre assurance, vous dites, voilà, j'ai mal réparé, peut-être, allez vérifier que j'ai mal réparé, votre expert vient, il en regarde, il dit, effectivement, vous avez mal réparé, ou alors non, vous n'avez pas mal réparé, mais c'est à vous d'appeler votre assurance éventuellement pour qu'il vienne. Je fais. Alors, vous l'avez fait, ça y est, vous avez contacté votre assurance? Bah oui. Et alors, elle a répondu quoi? Bah, avoir un chiffrage, comme je l'ai appelé madame, un chiffrage. Mais j'ai bien compris qu'elle y va pour ça. Elle y va pas pour autre chose. Mais est-ce qu'elle y a été? Est-ce que ça a été fait? Bah non, ça n'a pas été fait. Parce que j'ai appelé la dame la semaine dernière. La dame de l'assurance? Non, la dame. Je vais reprendre, monsieur, s'il vous plaît. Votre assurance, déjà, si vous me permettez, qui est votre assureur? Madame MMA. Bon, MMA. Vous avez appelé MMA et MMA vous a dit on va envoyer un expert voir la voiture? Non, non. Elles m'ont dit il faut avoir un chiffrage. Mais le chiffrage, il faut avoir le chiffrage, il faut l'espère. Oui. Attendez, monsieur, si je puis me permettre, Eric Decaumont, avocat. Cette dame, Yvette, elle n'est pas mécano, elle n'est pas expert, non. Elle n'est pas garagiste. Elle ne va pas vous faire un chiffrage d'un problème sur un moteur auquel elle ne comprend rien. Elle n'a pas les compétences. Donc, par définition, c'est justement le rôle de l'expert de l'assurance, de votre assurance, de se déplacer, de voir quelles sont les causes du désordre, si ça vous est imputable ou pas, et quel est le coût de la réparation. Alors, écoutez-le. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Par rapport à l'expert, on est en train de voir ça. Par rapport à les assurances, vous pouvez faire déplacer un expert. J'ai appelé Madame Austin la semaine dernière. Mais par rapport à quelle assurance, monsieur? La mienne. La vôtre. La MMA. D'accord, ok. On peut l'appeler la MMA pour la remuer un peu. Si vous me permettez, pour vous aider, on va appeler la MMA en leur demandant d'envoyer très vite un expert. Voilà. C'est votre agent, il est où? Dans quelle ville? Écoutez, j'ai donné tous les renseignements à monsieur. On va appeler, très bien. Ok, je comprends mieux. Donc, si vous êtes d'accord, on va appeler votre MMA en leur disant, soyez sympa, envoyez un expert rapidement. On va peut-être pas l'appeler comme ça, peut-être le premier avant. Hein. Vous savez, c'est leur métier, hein, de Oui, ça devrait pas. Mais à la mesure où vous avez déjà fait la demande, ils sont au courant, ils ont aussi, vous l'avez fait la demande. J'ai passé un expert, oui. Non, mais donc ils ont une demande, ils sont au courant. Ils ont un sinistre. Ils sont au courant du dossier, Bon, alors c'est parfait. Madame Austin, elle a appelé directement. Oui. Justement, on va les appeler, vous inquiétez pas, on va avancer vite et comme ça sera mieux pour tout le monde, c'est pour pas que ça traîne, hein, ni pour vous, ni pour elle. Vous voyez, c'est juste pour ça qu'on vous a dérangé. J'étais pas arrêté au seul problème, j'ai bien vu Madame Austin, j'ai bien eu au téléphone, je l'ai rappelé. Non, mais monsieur, tout ça c'est bien, personne ne dit que vous n'avez rien fait. Il y a juste qu'aujourd'hui il a pas de voiture, il a besoin d'une voiture, donc il faut que ça avance, c'est juste ça. Il peut pas rester sans voiture, vous comprenez? Donc il faut que ça aille vite.

Oui, un peu, ouais. Je sais qu'il y a eu un litige avec une voiture qu'il a réparée. Et exactement. Cette voiture-là est tombée en panne, je crois. Hein. Enfin, elle a été vendue, entre autres, peut-être avant. Puis elle est tombée en panne après. Non. Enfin, peu importe. Non. Il a fait. Oui, si, la voiture était vendue après. Après, mais pas avant. D'accord. Bon, juste, aujourd'hui, monsieur, qu'est-ce qu'est le MMA ? Vous faites quoi exactement ? Bah, nous, on attendait une mise en cause de son assurance, une convocation, une expertise, parce que nous, on est présumé responsable, mais si on nous met pas en cause, ben, on va pas bouger, hein. C'est à l'assureur de cette personne-là de nous mettre en cause. Bah alors, attendez. Maître Decaumont, avocat. Attendez. Oui, bonjour, monsieur Eric Decaumont. Oui. Vous nous dites que vous attendez d'être mis en cause par l'assurance de la propriétaire de la voiture qui a ses désordres, c'est ça? C'est ça. Bon, mais sur quoi vous basez ? Je veux dire que c'est pas le rôle de cette assurance de vous mettre en cause, d'autant plus que Yvette n'a même pas obligation d'en parler à son assurance. Et à la limite, si elle n'avait pas d'assurance, votre assuré aurait exactement la même responsabilité. Je vois pas pourquoi vous attendez qu'une assurance s'en mêle, à moins que vous vouliez régler ça entre assurances. Chaque assuré doit avoir son assureur, doit s'adresser à son assureur. Quand il s'agit d'un problème de vis caché et de mauvaise réparation, il n'y a aucune obligation d'assurance qui paye sur Yvette. Si à la limite Yvette n'avait pas assuré la voiture, eh ben de toute façon, votre assuré et vous-même pour le garantir, seriez tenu exactement aux mêmes responsabilités. Bon, monsieur, c'est votre client qui aurait fait une mauvaise réparation, il vous le dit en plus. Vous dit envoyez un expert pour voir, il est en ligne avec vous. Il est en ligne avec nous. Envoyez s'il vous plaît un expert. Oui, qu'attendez-vous pour envoyer un expert ? Et on n'en parle plus. Oui, ben ça je l'entends, mais normalement c'est au lésé de réclamer. Hein. Ben non, c'est pas au lésé. Le lésé, figurez-vous. Qui dit qu'on est responsable ? Qui dit que Monsieur Solberg est responsable ? Justement, c'est un expert pour le lésé. Ça sert à ça un expert, monsieur ? Oui, qui est dans l'assurance. Ça sert à ça. C'est le principe de base. Sinon, on n'en fait pas. Chiffrer les dommages et trouver le responsable. Bon, écoutez, voilà. Exactement. Donc, vous avez votre client qui vous dit, cher assureur, apparemment, quelqu'un me dit que j'ai mal monté une courroie. C'est possible. Pouvez-vous faire venir un expert, vous qui m'assurez, pour vérifier que j'ai mal monté la courroie et chiffrer le préjudice, enfin la réparation. D'accord. Monsieur Solbach et Monsieur Solbiac est passé. Je sais pas. Il a reçu un courrier de votre cliente et je l'ai pas vu ce courrier. Non. Mais là, Monsieur Solbach, il est en ligne. Il attend que ça que vous envoyez l'expert. Il vous entend. Donc envoyez-le. Zéro blabla, zéro tracas. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah bon, monsieur nous dit que c'est pas vrai, c'est pas zéro. Il y a zéro tracas. Il y a beaucoup de tracas. Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, monsieur, on fait comme ça. Enfin, je veux dire, on va pas remuer ciel et terre pour. Vous pouvez pas envoyer un expert. Aucune assurance auto du monde, monsieur, ne vous demandera la désignation d'un expert s'il n'y a pas eu d'accident. Enfin, je veux dire, mais c'est simplement la responsabilité civile professionnelle de votre assurance. Si vous voulez qu'on vous couvre, on appelle le siège de MMA pour qu'il vous le confirme. Si vous voulez. Bon, allez, on va appeler. Oui, mais monsieur, vous êtes que l'agent, mais le problème, c'est que quand il y a des publicités à la télé, on nous dit rentrer chez l'agent. Et même, on vous dit pas appeler le siège pour vérifier si l'agent, il connaît comment ça se passe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous assure que c'est comme ça, monsieur, sinon je vous dérangerai pas. Vous pouvez pas envoyer un expert. Il faut qu'il y ait une garantie en jeu. Faut que je le voie près de ma compagnie d'abord, hein, parce que là je suis pas sur place. Nathalie, on va pas discuter deux heures. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez m'appeler la direction de MMA, parce que là l'agent ne sait pas, il a le droit de ne pas savoir, pour qu'on essaie de savoir comment ça se passe avec une assurance. Zéro blabla, zéro tracas. Appelle le siège pour savoir. Allez, on va le faire dans une seconde. Merci monsieur, on va essayer d'avancer. Je vais peut-être vous déranger dans quelques instants dès que j'aurai eu le siège. Ok. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, on va se retrouver dans quelques instants. C'est quand même, encore une fois, c'est quand même incroyable. Mais on peut pas demander aux gens d'appeler le siège à chaque fois qu'ils ont un problème. C'est vraiment à l'agent de le faire. Hein. Non, je dois le constater. Là, c'est vraiment ce matin, je dois le dire, c'est un peu Boogie Wonderland. C'est fantastique. C'est fantastique tout ce qui se passe, mais c'est le miroir de ce que vous vivez au quotidien. Et c'est pour ça que vous êtes nombreux à écouter le 9h30-11h. Nous continuons, nous appelons donc le siège, nous avançons sur tous les dossiers. 32-10 pour nous joindre en direct sur RTL. Oh. Earth, Wind & Fire sur RTL, 10h47. Hervé Pouchol, vous avez continué à discuter avec ce monsieur de MMA et je crois que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ah bah plutôt, oui, il va vous annoncer la bonne nouvelle. Hein. C'est bon. L'agent MMA qui est en ligne. C'est bien l'assureur de monsieur Solbiac. Alors, je vous écoute, monsieur. On peut envoyer éventuellement un expert rapidement oui. Je m'en occupe, m'en occupe. C'est parfait. Bravo, monsieur. Vous êtes un pro, monsieur, on essaie de faire ça assez rapidement et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre et que tout le monde sera content. On se tient au courant, Sarah, vous suivez ce dossier de près puis on se fait un point semaine prochaine. Merci, monsieur, je suis navré de vous avoir dérangé. Mais bon, voilà, vous êtes un bon assureur, vous faites du travail de terrain et vous allez pouvoir comme ça aider et votre assuré, l'auto-entrepreneur Marc Solbiac et la personne qui a eu ce petit sinistre, Yvette. Merci, bon week-end, on se tient au courant semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci, monsieur Solbiac, rendez-vous également fin de semaine prochaine pour avancer dans ce dossier. Tout va bien, Yvette, pour vous ? Très bien, voilà. j'ai hâte de voir. On suit ça et s'il n'y a rien de bouge, on réintervient. Mais j'aimerais remercier une nouvelle fois tous ceux qui sont intervenus dans ce dossier parce que voilà, on embête les gens, mais c'est pour la bonne cause. Donc merci à M. Solberg, merci à l'agent MMA et à vous, Yvette. Et puis le dénouement, normalement, fin de semaine prochaine. Allez, RTL, 10h48. Il nous reste encore 12 minutes d'émission et croyez-moi, ça ne va pas être facile. Juste, on coupe très rapidement. On a fait une petite moquerie de Topo Becherel pour Sarah. Tout le monde y passe. Un jour, on fait régulièrement, ne vous inquiétez pas. Et là, pour une fois, eh bien, c'était un professionnel que nous avons eu au téléphone qui nous a fait ce que l'on appelle un film remarquable, Les Liaisons Dangereuses. Bon. La voiture là est tombée en panne, je crois. Elle est tombée en panne. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Elle l'avait fait, Marie. Marie l'avait fait une fois. Mal t'a pris. Exactement. Allez, à tout de suite sur RTL. Vulcania. Papa, c'est vrai qu'il y a des volcans sous la mer ? Sûrement. Et quand ils explosent, ça fait des bulles ? Alors là, si on allait au parc Vulcania ? Génial ! Nouveau en 2016, Abyss Explorer, embarqué à la découverte des volcans sous-marins. Vulcania en Auvergne ? Partez en exploration. Offre séjour, votre deuxième nuit à moins 50%. Conditions sur vulcania.com. Mon premier cancer, je l'ai eu à 30 ans. Je me suis battue et je l'ai vaincue. Dans 100 ans, je me battrai encore contre le cancer. Vous ne me croyez pas ? Et pourtant, c'est vrai. J'ai fait un leg à la Ligue contre le cancer. Un leg pour aider et financer les chercheurs. Je veux que le cancer cesse d'exister. Mon héritage servira à ça. Vous aussi, faites un leg à la Ligue contre le cancer. Notre service Leg et Donation répond à vos questions au 01 53 55 24 04. L'Odyssée. Je me souviens de la sensation la première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. L'immensité, la pureté. Revivez l'incroyable aventure. Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou. L'Odyssée, un film de Jérôme Salles. Un monde entier à découvrir. Une plongée magnifique dans la vie du célèbre commandant. Actuellement au cinéma. Avec RTL. Salut, moi c'est Pat. Pat in, oui je sais. Bon, j'ai rien contre le patinage, noté. En revanche, une voiture qui patine, y a rien d'artistique. Je dis ça rapport à mes deux pneus lisses. Solution, prendre rendez-vous sur Citroën.fr. Pendant les portes ouvertes du 13 au 15 octobre, le deuxième pneu est à moitié prix et avec Michelin, j'ai même une carte carburant. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre pneus réservée aux particuliers pause pendant les portes ouvertes. Offre carburant jusqu'à 50€, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. C'est en exclu, c'est chez U, les ventes privées live. Aujourd'hui, pour les ventes privées live, c'est de la peine croyable. Sur la lessive Ariel Pods 30 doses, à 9,95€, 70% vous sont offerts en euros carte U, soit 6,97€ d'économie. Oh, mais c'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'à samedi seulement. Profitez des ventes privées live avec le prospectus. Conditions et magasins participants sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. La boîte de 897 grammes, soit 11,09€ le kilo, variété au choix. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama. Alors, comment améliorer l'assurance de vos salariés ? Nous, les pros, on veut toujours protéger nos salariés au mieux. Et donc faire évoluer la complémentaire santé de l'entreprise. Mais avec toute cette paperasse... Ça n'a pas l'air simple. Voilà ce que je vous propose. Votre conseiller va vous aider et vous accompagner sur toute la partie administrative pour faire évoluer la complémentaire santé de votre entreprise. Il peut même faire une réunion d'information pour répondre aux questions de vos salariés. Être mutualiste, c'est trouver ensemble des solutions à vos préoccupations. Groupama Pro, la vraie vie s'assure ici. Plus d'informations sur groupamapro.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Cela fait 5 mois que Gilles se bat avec sa mutuelle et sa banque. C'est ce qu'il nous a dit hier dans la journée porte ouverte. En mai dernier, sa mutuelle lui avait fait un virement de 519 euros. Vous vous en rappelez peut-être, mais sa banque avait changé les références bancaires. Ballot. Donc le virement a été effectué sur un compte non valide. Dans un monde normal, la mutuelle et la banque devraient s'arranger entre elles. Mais dans la vraie vie, il n'en est rien. Eh bien, la banque veut que la mutuelle lui donne ses références bancaires pour valider la transaction. La mutuelle, elle refuse car le virement ne lui a pas été signalé comme rejeté. Donc hier, nous nous sommes battus. On a compris que la banque avait envoyé une attestation à Gilles et que Gilles ne l'avait pas donnée à la mutuelle. Donc cette attestation était très claire. Elle permettait de débloquer ce dossier auprès de la mutuelle. Où en est-on, Sarah ? Alors, très bonne nouvelle, Gilles a fait effectivement le nécessaire hier. Il a bien envoyé cette attestation par mail et il a eu la confirmation. Donc, Gilles est avec nous à l'antenne. Gilles, vous m'entendez ? Très, très bien. Oui. Alors, Gilles, où en est-on dans le dossier ? Ben, j'ai eu donc le responsable de ma mutuelle qui a confirmé la réception de l'attestation. Et par acquis de conscience, j'ai envoyé une lettre commandée avec accusé de réception au siège, en stipulant en plus les références bancaires et la fameuse attestation. D'accord, donc ça devrait rentrer dans l'ordre dans les jours qui viennent. Ben, je l'espère, hein, suite à votre intervention. Bon, non, mais ça, c'est pas tellement suite à mon intervention. Ce qui compte, c'est que ça rentre vite dans l'ordre. Mais on aurait pu faire quand même tout à fait, oui, beaucoup oui. plus rapidement. Oui, Sarah. D'ici fin de semaine prochaine, normalement, ce sera une affaire réglée. Ah, bien, c'est génial. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Ben, c'est gentil à vous et bonne journée à tous. Je vous en prie. Ce n'est pas tout. Nous devions également vous parler de Virginie, qui est passée récemment. Elle avait loué une voiture le 19 juin à Ajaccio. Vous vous rappelez, chez un loueur de voiture, et sur la fiche de contrôle, il était signalé des dégâts sur le pare-choc. Avant et arrière, spécifié porte arrière, alors que sur le dessin, la porte n'est pas cochée. Donc, grosso modo, il y avait un coup sur la voiture, quand elle était la prendre, qui n'était pas coché, qui n'apparaissait pas sur le dessin. Mais qui était libellé quand même. On avait eu avis à Bastia, puis avis siège administratif, qui devait ouvrir le dossier et revenir vers nous. Alors, Virginie, je crois, est en ligne avec nous. Virginie ? Oui, bonjour, Julien. Qu'avez-vous à nous dire ce matin, Virginie ? Eh bien, tout est rentré dans l'ordre. Ah ben voilà. Ils ont remonté l'historique de la voiture. Donc, le dommage était antérieur et j'ai eu le remboursement en totalité. Ah, eh bien, voilà Corsica. Ben oui, ça se règle toujours avec nos amis Corse, il faut discuter un petit peu. Vous aviez parlé avec eux, Bernard ? Oui, merci à Avis justement d'avoir réagi comme il se doit. Et c'est important de montrer qu'on est des vrais professionnels et des vrais loueurs de voitures. Je suis ravi pour vous, je vous fais un énorme bisou. Et moi aussi, à bientôt. Une équipe formidable. Merci. Gros bisous. Allez, point info sur ce qui s'est passé depuis ce matin, parce que cette émission était particulièrement musclée, mesdames et messieurs. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. C'était du direct et c'est toujours du direct. On a commencé avec Yvette qui a aidé son fils à acheter une voiture. Même pas un mois après l'achat, la voiture tombe en panne. La courroie de distribution aurait été mal montée par un auto-entrepreneur. Finalement, Hervé, les choses rentrent dans l'ordre puisque vous avez réussi à voir l'auto-entrepreneur qui pensait que c'était une blague la première fois que je l'ai appelé. Mais vous avez aussi eu l'assureur. Ben oui, le Jean MMA a finalement décidé d'envoyer un expert. Tout est bien, qui finit bien. Normalement, nous en saurons plus avec Sarah dans les jours qui viennent. Eric a acheté une voiture pour son fils qui en a un besoin urgent car il est pompier. Il se déplace beaucoup et depuis un an, cette voiture est devant chez Eric, désespérément en panne. Le vendeur professionnel promet de la réparer, mais il ne se passait rien et nous avons eu le vendeur, Bernard. Exactement, on a eu le patron carrément de BH Car, Alexis Heuleux, qui a pris l'engagement d'envoyer un remorquage dès la fin de la semaine prochaine. Donc je pense que tout va rentrer dans l'ordre, Julien. Voilà, et puis tout le reste, vous venez de l'entendre sur l'antenne d'RTL. Les dossiers avancent, faites-nous confiance, appelez-nous tout de suite et pendant tout le week-end, le répondeur marche. Vous faites le 3210 ou le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et j'en profite pour faire un petit coucou à mes amis bretons de Argentré du Plessis, c'est en Ille-et-Vilaine, puisque demain soir, c'est la dernière des dernières des dernières du premier one-man show au Centre culturel Cesson-Sévigné. On va faire une grosse fête avant le nouveau qui démarra en janvier. Donc demain soir, on sera là à 20h30 à Argentré du Plessis. Écoutez, ça a bien bougé les enfants. Moi, je vais dire... Vous avez le droit de vous applaudir. Une fois n'est pas coutume, parce que vous avez tous quand même fait un boulot formidable. Il y a plein de lignes téléphoniques. J'ai entendu des applaudissements minables dans ma vie, mais des comme celui-ci, jamais je n'en ai entendu. En plus, je vous propose de vous applaudir. Saisissez la balle. Bah, bah, ouais. Quand même, incroyable ça. Et à l'occasion de la foire au vin, c'est pour vous ça, Maître de Caumont, RTL et les éditions Hachette. Bien sûr. Pratique offre à tous les auditeurs intervenant à l'antenne et aux avocats poivreaux le guide Hachette des vins aux éditions Hachette Pratique pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. Vous savez qu'on frôle d'autant plus la diffamation que je suis. La diffamation. Stop au Bécherel. À tout de suite, on va peut-être avoir le temps de le réécouter. Oui, justement, dans le cadre de la foire au vin, c'est normal. Oui, voilà. Allez, à tout de suite sur RTL. Découvrons Samy Jean-Fédéton qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Carrefour. Bah chérie, c'est quoi tous ces produits de beauté là? En ce moment, Carrefour fait place à la beauté, alors moi aussi! Parce qu'il y a plein de promos sur des centaines de produits de marque. Par exemple, 40% de remise immédiate sur le lot de deux shampoings Garnier Fructis. Mais du coup, j'ai plus de place! Oh, t'exagères! Jusqu'au 24 octobre, Carrefour fait place à la beauté avec des promotions sur des centaines de produits de marque. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le lot de deux shampoings Garnier Fructis dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. 2 x 250 ml, voir produits concernés dans votre catalogue disponible sur carrefour.fr. Carrefour. C'est tes factures d'eau et d'énergie, ça? C'est tout? Eh oui, mon logement est certifié NF Habitat HQE. Ça veut dire maîtrise des consommations et donc de mon budget. J'ai des installations de qualité plus durables. Et avec tout ça, je respecte l'environnement et mon logement est valorisé. Bon, j'y vais, faut vraiment que j'en parle à ma femme. Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, une certification de l'association Qualitel. NF Habitat, la vie devant soi. Ce soir dès 20h dans Soir de Ligue 1, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions. La Ligue 1, c'est ce soir sur RTL. Avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Topo Bécherel avec Sarah, Topo Bécherel avec un auditeur, Topo Bécherel à l'instant avec Maître de Caumont. Qu'on frôle d'autant plus la diffamation que la diffamation. On l'a frôlé la diffamation tout au long de l'émission. Merci Maître de Caumont. C'était vendredi. Attention de ne pas diffamer tout au long de la journée. Merci Maître Félonneau. Merci à toutes les équipes d'Alain Hazard, Charlotte, Marie, Sarah qui ont fait un boulot formidable tout au long de la semaine et nos deux négociateurs. Bernard et Hervé, la mise en onde était assurée avec génie, comme depuis 17 ans par Xavier Kassovitch. Bon week-end à vous tous. RTL vous aime. Nous serons là lundi matin. À la seconde près, il est 11h. L'information sur RTL, c'est avec vous Anne Le Hennef, rebonjour. Rebonjour Julien, bon week-end, bonjour à tous. 30 ans de prison viennent d'être requis devant les assises de Douai à l'encontre d'un gendarme niçois accusé d'avoir assassiné une étudiante à Lille en 1995. Il n'y a pas beaucoup de place pour le doute, vient d'estimer l'avocat général. Le gendarme dont l'ADN a été retrouvé sur le peignoir de la victime a donné depuis plusieurs versions du drame. 5 600 000 personnes en moyenne ont regardé le premier débat de la primaire de la droite hier soir sur TF1. Ça représente 26,3% de part d'audience. C'est plus que les autres émissions politiques de la rentrée. Et ce débat fait l'objet de la question du jour de RTL Midi. Ce débat vous a-t-il fait changer d'avis? Votez dès maintenant sur RTL.fr, notre site. La réponse dans RTL Midi à midi et demi avec Christelle Robière et Vincent Parizeau. iTélé propose aux journalistes qui ne veulent pas travailler aux côtés de Jean-Marc Morandini, mis en examen pour corruption de mineurs aggravés, de démissionner avec des indemnités de départ. C'est ce qu'on appelle une clause de conscience. La rédaction d'iTélé a voté la semaine dernière une motion de défiance à 92% contre sa direction. Jean-Marc Morandini doit arriver sur la chaîne mercredi prochain. En Syrie, le régime et son allié russe ont de nouveau pilonné les quartiers rebelles de la ville d'Alep. Des dizaines de raids aériens violents, selon une ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Selon le directeur de l'association, c'est bien le signe que la Russie est prête à tout pour reprendre Alep Est, qui est contrôlé par les rebelles. La purge se poursuit en Turquie après le putsch raté du 15 juillet dernier. Un tribunal turc vient d'émettre des mandats d'arrêt contre 189 juges et procureurs. Ils sont accusés d'avoir utilisé une messagerie cryptée que les putschistes utilisaient pour communiquer selon les autorités turques. Au total, depuis le putsch, 32 000 personnes ont été arrêtées dans le pays. Le temps pour cet après-midi, toujours très instable dans le sud-est avec des pluies orageuses et un risque d'inondation. Trois départements sont toujours en vigilance orange, le Gard, l'Hérault et le Var. Dans l'Hérault, les écoles doivent rouvrir cet après-midi. Les fortes pluies de la nuit dernière n'ont pas fait de dégâts majeurs. Les pluies vont remonter vers le nord dans la journée jusqu'à ce soir, vers la Bourgogne et les frontières du nord. Dans l'ouest, le temps est plus calme mais très nuageux avec quelques éclaircies sur la côte atlantique. Il fera cet après-midi de 12 à 21 degrés, 12 à Aurillac, 14 à Lille et à Paris, 15 à Brest, 19 à Nîmes et 21 degrés pour Ajaccio. Pour un confort toujours au beau fixe, choisissez Viessmann. Viessmann, des solutions de chauffage innovante, performante et durable. Votre projet sur mesure commence sur Viessmann.fr. Les courses, aujourd'hui en nocturne à Vincennes, voici les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet Plus. 5, 13, 7, 9, 12, 15, 6 et 2. 5, 13, 7, 9, 12, 15, 6, 2. La dernière minute de Bernard, c'est le 13, Super Fez. 11h03 sur RTL, c'est la bonne heure pour retrouver Stéphane Bern et son équipe. Merci beaucoup Anne Le Naff, on vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité, mais nous nous plongeons maintenant dans la bonne heure avec notre invitée, oh la divine, Cécilia Bartoli, oh quelle joie de vous accueillir, merci, je vais vous présenter de façon un peu plus circonstanciée dans un instant. Mais d'abord je vous présente tous mes petits camarades, il aurait pu nous parler des petits rats de l'opéra, mais il a choisi le perroquet qui a donné son nom au Papageno de la flûte enchantée, c'est Marc Giraud, bonjour, bonjour à tous. Très joli pull vert, hein. Et oui, de circonstance. Très marqué sur les réseaux sociaux, là. Voilà, c'est ça. Puis à la radio, ça marche toujours bien. Non, mais bien on, allié, on publie des photos sur RTL.fr. Il y a le cerf, il y a le. Il y a qui a fini de bramer. Oui. Ouais. Donc voilà. Voilà. Si vous voulez, on raconte tout ça. Oh, non, on va parler du perroquet. Ne répétez pas tout ce que je dis après moi. Juste après le journal de midi, le feuilleton de Régis Maillot. Bonjour à tous. Ça sent un peu l'air de la calomnie. L'air de la calomnie. Bah oui, c'est un air d'opéra célèbre. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, aujourd'hui, ça sera un peu Carmen aujourd'hui pour ah vous. Ah bon, hein, très bien. Bon. Dans son zapping télé, Eric Dussard nous parlera de quelque chose qui lui est très étranger, le goût. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est la semaine du goût, vous le savez en ce moment. Ben moi, je vais vous proposer la semaine du dégoût, plutôt. Hein, on ira notamment dans un de ces restaurants gastro pour gastro-entérite de Cauchemar en cuisine. Ah, très bien. Avec une sauce au cèpe qui devrait vous mettre en appétit. Parfait. Et il y a 70 ans, le 9 octobre 1946, très exactement, Édith Piaf enregistrait La vie en rose. L'occasion pour Patrice Carmoze de consacrer son test à l'aveugle aux reprises les plus célèbres et les plus incertaines aussi de cette chanson. De cette chanson. Alors, comme chaque jour, il y aura